couper les ailes. Frérot, c'est ça la vie. En classe seule, on veut me couper les ailes. On veut me couper les ailes. Goûter le bitume, poto, c'est ça la vie. T'as quitté la cité, poto, c'est ça la vie. Combien y en a qui m'ont souhaité la galère. Et non frérot, c'est pas ça la vie. Je crois qu'ils m'aiment trop si tu veux mon avis. Me voir grimper, ils en sont pas ravis. Vous êtes tous du même côté, pour ça que le bateau chavire. T'es bizarre, tu rigoles tout le temps là où il faut pas rire. Ton pote t'a proposé de monter sur un gros coup. T'as pas un idée, l'offre t'en dois beaucoup. Faites gaffe, faites pas pleurer les mamans. Eh ouais les gars, c'est pas ça la vie. Y'a trop devenir fou dans ce monde de bâtards. J'ai le succès, j'ai pas besoin de faire la star. Je me suis vite fumé quand tu m'as fait un cocard. Je t'ai donné un peu, t'as pas fait qu'un croc gars. Fais gaffe comment tu regardes. Tu trates, on trappe pas, c'est ça la vie. Tu montais bien mais je l'ai vu dans ton regard. Trahir la Honda, c'est pas ça la vie. On veut me couper les ailes. Frérot, c'est ça la vie. En classe seule, on veut me couper les ailes. On veut me couper les ailes. Les années sont passées, j'en ai perdu des potes. Mes proches m'ont dit ouais c'est ça la vie. Tout peut aller vite mini car là j'suis une moto. Que tu te fais chauffer c'est pas ça la vie. Y'a des frères qui sont passés dans l'autre camp. Et ouais dealer c'est pas ça la vie. Depuis j'n'en m'appelle dans le shit et la vodka. Ils m'ont blessé j'me dis que c'est ça la vie. Sors le pépon de la cave. Là ils nous montrent seul pas besoin de toucher la cam. Et que ça se lâche fort que ça passe à la table. Un enfrangère c'est pas ça la vie. Et te plains pas si je te traite d'enculé. J'crois que j'vais oublier que j'vais dire c'est ça la vie. Cherche pas à me divertir à manipuler. C'est pas ça la vie. On veut me couper les ailes. Frérot, c'est ça la vie. En classe seule, on veut me couper les ailes. On veut me couper les ailes. Sexy tombé, toi t'allais assurer toute ta vie. Maintenant va falloir assumer. Sur ta life, sur ta mère, sur tes morts. Ta vie tu as fait que jurer. Qui va aider ta mif si demain t'es mort. Je pense qu'un jour ou l'autre il fuirait. Tu disais que si tomber toi t'allais assurer. Toute ta vie maintenant va falloir assumer. Sur ta life, sur ta mère, sur tes morts. Toute ta vie tu as fait que jurer. Qui va aider ta mif si demain t'es mort. Je pense qu'un jour ou l'autre il fuirait. On veut me couper les ailes.